Il y a. Reading the example sentences. Il y a une cantine à l'étage. Il y a un ascenseur à droite. Il y a des voitures dans le stationnement.